La vie est courte, la vie me nargue, la vie me laisse dans le port du Havre. Je ne me reconnais plus dans cette galère, et je nomme mon chagrin dans le cidre et la bière. J'aurais voulu voler juste un instant, mais ma route se termine toujours à Rouen. J'ai pas triché, je respecte mes valeurs, ma prose est lourde comme un conteneur.